Bébé! Bébé, tu es où? Bébé! Je suis là, je suis là. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu es où là? Et je te vois pas! Mais mon cœur, tu te souviens pas? Oui, je me souviens. Mais je n'ai que quelques flashs. Mes images sont des mirages. Te voyant rire à l'entame du virage. Puis après ton visage s'enfonce dans le noir. Et ma vision du bonheur devient dérisoire. Dis-moi pourquoi le destin nous frappe comme ça. Non, ce drame je ne l'accepte pas. Je nous revois encore rire et s'embrasser. Sourire et s'enlacer en appréciant la soirée. Dur d'imaginer ce qui vient de se passer. J'aimerais tellement remonter la pendule du passé. Si j'avais pas pris cette route, tu serais encore là, tout près de moi, et je te prends dans mes bras. Au lieu de ça, je suis sous mes draps, noyé sous mes larmes, à me dire mais pourquoi il m'arrive ça. Je suis perdu sans toi, mais qu'est-ce que je vais devenir? Bébé, je le sens vide, mon avenir. Bébé, pleure pas, bébé, pleure pas. Je ne t'ai pas, même de l'au-delà. Montre-moi que tu vivras pour deux, que tu peux vivre sans mes yeux, sans nous deux, sans tous ceux qui pensent que pour toi rien n'a de sens, que la vie te laisse en trace. Rends-moi fier. De là où je vais, je continue de vivre en déployant mes ailes. Tu sais, je nous voyais tellement faire notre vie ensemble, que je souffre de voir tous nos rêves en cendres. J'aurais tant voulu aimer te voir enceinte, te voir nourrir notre enfant en lui donnant le sein. Tous nos projets s'envolent comme une feuille à l'automne. Désormais mon cœur a besoin d'un son automne. Et dire que ton regard, je ne le verrai plus. Je n'ai plus que des photos à regarder quand je suis perdu. Tu étais mon soutien, mon épaule et ma moitié. Maintenant je n'ai plus rien à part nos moments gravés. S'il te plaît prends soin de moi, de là où tu es. Guide-moi, éclaire-moi. Et après je te rejoindrai, je te rejoindrai, je te rejoindrai. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Bébé pleure pas, bébé pleure pas. Je ne t'ai pas, même de l'au-delà. Montre-moi que tu vivras pour deux, que tu peux vivre sans mes yeux, sans nous deux, sans tous ceux qui pensent que pour toi rien n'a de sens, que la vie te laisse en trace. Rends-moi fier. De là où je vais, je continue de vivre en déployant mes ailes. Je me sens légère, je me suis pas vue quitter la terre. Je n'ai senti que tes bras quand toi tu sentais mon cœur qui accélère. C'est dur de te dire adieu, je peux pas réaliser que je te vois des cieux. L'amour nous a frappés dès le premier jour bébé. C'est dans tes yeux que je voyais ma réalité. Tu m'as toujours tout donné, même l'amour des contes de fées. Envoler les projets, les fiançailles, le mariage. On fait place aux funérailles, on fait place aux funérailles. Bébé ne pleure pas, relève-toi, marche droit. Je sais que tu arriveras. Sache que j'ai toujours cru en toi. Et c'est pour ça que je m'en vais le cœur léger. Oui, sèche tes larmes. Bébé pleure pas, bébé pleure pas. Pas même de l'au-delà. Montre-moi que tu vivras pour deux, que tu peux vivre sans mes yeux, sans nous deux, sans tous ceux qui pensent que pour toi rien n'a de sens, que la vie te laisse en trace. Rends-moi fier. De là où je vais, je continue de vivre en déployant mes ailes. Bébé pleure pas, bébé pleure pas. Je t'aiderai pas même de l'au-delà. Montre-moi que tu vivras pour deux, que tu peux vivre sans mes yeux, sans nous deux, sans tous ceux qui pensent que pour toi rien n'a de sens, que la vie te laisse en trace. Rends-moi fier. De là où je vais, je continue de vivre en déployant mes ailes.